Philosophic Sound System, Selecta Marwan, Street Dangerous, Dickens, Chacal. On avance pas, je dirais même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. On avance pas, je dirais même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. Mais ne vois-tu pas que le monde est en panne, que tout le monde se calme, que tout le monde se canne, et que l'enfer, que les fleurs rapportent le macadam, et que le diable s'y pas mal, jouant avec les âmes des hommes, des femmes. Chin chin, t'es toujours les mêmes qui trinquent, qui dame, proclame, qui semblent d'endurer d'éviter le drame. C'est des vieux trop de l'âme, boulet où la misère roule. Trop délaissé par la chance qui les refoule. Tout a l'air foule en façade, mais quand tout s'écroule, manie, violence, guerre arrive, des boules. Et les Babylones, des gaines sans peine, sans chaîne, nous freinent, malmène dans cette ambiance bien trop malsaine. C'est la crise et tout ça grise. Sous nos pieds, le feu s'attise et c'est l'enfer qu'on se le dise. Les hommes se méprisent, le monde se divise. Et de mauvaises vibes sur nous, on leur emprise. On avance pas, j'irai même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. On avance pas, j'irai même qu'on avance. Plus le monde par en berne et rempli de tordu. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. Haine, profit, jalousie, le monde en est rempli. Athée ou croyant, ça transpire l'hypocrisie. La vie est loin d'être un conte, une poésie. Quand même souris devant, puis demain ils revoquent les nazis. Trop d'imbéciles, d'ignorants, trop d'abrutis. Trop de gens perdus que le chétan a converti. Alors que nombreux luttent pour la paix, l'harmonie. D'autres prennent la guerre, ne pensent qu'à l'hégémonie. Mais le monde est pâle, mais le monde est sale. Mettre le monde calme dans les têtes, c'est bancal. Du nord au sud, un monde bien trop inégal. Trop d'incohérence dans ce monde paradoxal. On avance pas, j'irai même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. On avance pas, j'irai même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. 2009, rien n'a changé. Les phares veulent mes phares. Les faux font les faux et ceux qui tapent veulent du taf. Dans ce monde, c'est la faillite. Je souhaite la paix aux hommes et femmes, pas de guerre, la joie dans les familles. Le monde est claqué, craquette, classique. Croit plus en créateur, le mal à trois croix antiques. On avance plus si noir que long sur ce bitume. On sasse la vie d'autrefois autour d'une bonne biture. On s'arme et ne sème plus, les graines de la haine se met, le crime s'enseigne plus. Dans les mœurs. On ne croit plus en nos morts et nos pères et mères ont peur en l'avenir de leurs mômes. C'est la guerre, c'est la merde, c'est la zermie, c'est ma terre et nos pères sont morts pour, faut pas que ça se termine. On se bat pour la paix, on se tape pour nos proches. Les mots versés n'aiment personne, seul oser y rapproche. C'est peine perdue, tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. On avance, pas dirait même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. On avance, pas dirait même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus. On avance, pas dirait même qu'on avance. Plus le monde part en berne et est rempli de tordus. Un peu partout s'étendu, je crois que c'est peine perdue. Tout tourne à l'envers et bien trop d'âmes sont déchus.